À Conakry, Guinée, le comité préparatoire pour la journée du soleil et la journée de la brillante étoile et l'association de Kim Il-sungia et de Kim Jong-il ont organisé en commun une visite à la serre de Kim Il-sungia, dont la serre était exposée les photos sur la vie révolutionnaire et les exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, les photos du maréchal Kim Jong-un dans ses activités révolutionnaires. Y étaient exhibées aussi les œuvres classiques du maréchal Kim Jong-un, les photos des expositions de Kim Il-sungia et de Kim Jong-il déroulées dans divers pays et régions, les livres et photos présentant la réalité de la Corée en essor au fil des jours. À la cérémonie ont participé les personnalités de diverses unités, comme la résidence présidentielle, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et des Forêts, le jardin botanique central et l'arrondissement de Koloma de la ville de Conakry et autres habitants. Y ont été présents les diplomates coréens dans ce pays. Après la visite à la serre, les visiteurs ont écouté l'explication sur la naissance de Kim Jong-il, fleur d'honneur, ainsi que ses particularités.